au parc André Citroën. Les flocons dans les cheveux, une petite fille en pleurs se promène. Détends tes yeux, je te cherche un peu. Sous mes deux pieds, les feuilles font une valse. Les hommes me regardent, entends tous mes baisers qui se croisent. Derrière le jardin japonais. J'ai du velours dans les cheveux. Si tu me cherchais mieux, tous ces garçons polis sous les saules, penchés sur d'autres épaules. Je cours vers le ballon jaune. J'ai les pieds qui s'en mêlent. Je me souviens d'un nain de rien qui s'aime sur ma colonne des coccinelles. C'est Paris qui nous surprend.